Le Terminus s'intéresse au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Ce soir, par exemple, on va entendre le nouveau Sons and Daughters, du Polyp, du Young Rival et également du rock turc. Et oui, l'émission s'était ouverte avec le groupe Hello Postier et la chanson Dehors. On retourne tout de suite en musique avec le groupe We Are Trees, qui est un duo de Virginia Beach aux États-Unis. Le duo est composé de James Nee au chant, à la basse et à la guitare. Monsieur Nee a aussi écrit et réalisé le dernier EP du groupe qui s'appelle Girlfriend et qui est sorti en mars dernier. Le duo est finalement complété par Madame Josiah Schlatter, qui est responsable des percussions. Et oui, les chansons de We Are Trees sont pas mal toutes des ballades indie rock ou indie pop, si vous voulez, sur le thème des relations amoureuses. En voici un exemple avec I Don't Believe in Love de We Are Trees sur les ondes de CISM 89.3. We'll be right back. La défunte formation de Vancouver, The Horgan, avec Memorize the City. Juste avant, c'était André que j'ai dû couper la semaine dernière à la fin de l'émission, faute de temps. On se reprend cette semaine avec la chanson Carousel d'André, qui se retrouve sur l'album Le Thé et la Justice. Le prochain segment va débuter, attention, avec deux groupes issus de la scène indie rock, vraiment en guillemets, turque et basé dans la métropole du pays, Istanbul. J'ai eu l'idée de faire jouer deux groupes turcs suite à la soirée Total Crap, la 8e, je crois, qui avait lieu en mai dernier. Donc, à cette soirée-là, il y avait des versions turques des films Rambo et E.T. et je vais vous dire que c'était assez mauvais. Il faut également que je vous avoue que la recherche n'a pas été facile pour vous trouver du rock qui a de l'allure en provenance de Turquie. La Turquie a l'air de surtout produire des groupes metal ou hard rock. Le premier groupe que vous allez entendre d'ailleurs s'appelle Hayuka, qui est une expression turque pour dire qu'un secret a été dévoilé. En entrevue, le groupe parle, ou plutôt indique, que les bars d'Istanbul sont très peu ouverts en ce moment aux groupes qui jouent de la musique originale, alors qu'ils préfèrent les reprises de chansons connues. Il semble que l'ouverture du Peyote à la fin des années 1990 dans le quartier de Taksim ait beaucoup contribué à donner une tribune justement aux groupes plutôt indépendants et émergents d'Istanbul, ce qui est une bonne chose. On va donc entendre Toz Bulutu, qui veut dire nuage de poussière, du groupe Hayuka. Et ça sera suivi de Sakin avec Akarus Basalsa, qui veut dire la réussite d'Icare, qui fait référence évidemment à la mythologie grecque où Icare meurt après s'être approché trop près du soleil, évidemment, vous saviez. Alors, deux groupes turcs à l'émission Le Terminus, sur les ondes de la marge, c'est ISM 89.3. cherche le trouble, je t'aurais avisé que tu pourrais être la cible d'une balle perdue. Danse, toi, danse, c'est pas la peine, j'ai rien à perdre, je suis blindé. J'ai foncé tête première, j'ai fessé dans le mur de briques. J'ai gardé son air bête, j'ai recommencé rien que pour faire le comique. J'ai demandé juste de même, pourrais-tu au moins faire semblant que je suis drôle. Il s'est effondré sur moi, il s'est mis à pleurer sur mon épaule. Mon pauvre enfant qui m'a dit, allez, t'es fatigué, va t'en coucher. Les ondes de CISM 89.3, c'était Fred Fortin avec le mur de son excellent album Plastrer la Lune, sorti en 2009. Le segment musical s'était ouvert avec deux groupes turcs, Ayuka et Sakin. On poursuit tout de suite avec Mirror Mirror, le dernier album des Écossais Sons and Daughters, qui est sorti le 14 juin dernier. Voici Rose Red de Sons and Daughters. Try to find me, I'm called sure. Polype avec Régulier de l'album Tropique du Cancer. Juste avant, c'était le trio d'Halifax Kestrels avec The Light qui se retrouve sur un EP de 4 chansons sorti en mars dernier. Ils seraient actuellement à travailler sur un autre EP prévu pour l'automne prochain. Maintenant, on retourne en musique, bien sûr, avec l'album qui se retrouve cette semaine en 23e position du palmarès album de CISM, Skiing, des Anglais, The Horrors. J'ai pas beaucoup de difficulté à croire que ça va sûrement monter très, très vite parce que c'est très bon. Alors, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3, voici The Horrors avec I Can See Through You. C'était Young Rival avec Got What You Need de leur premier album, Young Rival, sorti l'année passée. Juste avant Young Rival, Fever nous parlait de Monster. Le groupe vient de lancer sur Bandcamp un premier extrait de leur nouvel album à paraître plus tard cette année. Vous pouvez le télécharger gratuitement et ça s'appelle Teat. L'émission de ce soir tire pas mal à sa fin. Vous pouvez jeter un coup d'œil au CISM893.ca pour la liste des chansons diffusées et aussi pour la balado-diffusion. Il y a aussi le blog de l'émission, leterminus.ca. Étienne Champagne suit tout de suite après les pubs avec son émission Rythmologie. Ne manquez pas ça. Ensuite, ça sera 12 pouces dans le jazz jusqu'à minuit. On va se quitter avec Eugène et le Cheval, le projet d'anciens membres du groupe Bleu. Vous entendrez les antibiotiques. Ici Jean-François, passez une très bonne semaine. À bientôt. Thank you.